vieux fa famosé à London. Papa m'a passé na kata Schengen place. Sai sai sai sai. Atlanta. Bijik à la Suisse-Irlande. Yes.